Micro ouvert. V'là le printemps, mais pas pour moi, celui qui vient sans qu'on l'appelle. V'là le printemps pour les demoiselles, pour tout le monde et pas pour moi. V'là le printemps et ça se voit, ça dégouline de feuilles et ça vient sans qu'on le veuille. Mais le printemps, ça sert à quoi? Franchement, c'est belge. C'est tous des profiteurs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est plus de gosses possible. Parce qu'au plus de gosses qu'ils ont, au plus qu'ils touchent des allocations familiales. Et leur petit gamin, ça commence à traîner dans les rues. Et ça vole les sacs aux petites vieilles. Et après, ça termine dans une grosse berline en train de se la péter. Tous des criminels, ces Belges. Les Belges sont pas fiables pour un sou. Toujours si souriants à faire leurs courbettes, toujours si polis, si aimables. Mais en réalité, ils sont tous aussi tordus les uns que les autres, ces Belges. Tous des gros fainéants, ces Belges. Et s'ils font quelque chose, c'est à leur aise. Tout ce qu'ils savent faire, c'est danser, remuer les hanches et draguer nos femmes en tapant sur des tam-tams. Tu sais quoi? C'est tous des sauvages, ces Belges. V'là le printemps, gnan gnan, v'là le printemps, Denise, v'là le printemps, Fernand, v'là le printemps, qu'on se le dise. Je vais pas rester en fait. J'avais pas prévu, je suis venu un peu... Non, c'est pas exactement ça. C'est je sais plus qui m'avait parlé de... Il m'en avait parlé, ça m'a fait venir. Mais en fait, je suis passé en coup de vent. Je vais peut-être rester encore un peu, mais pas au-delà. De toute façon, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus à ceux qui... Je dis pas ça pour me... Mais je vois pas en quoi... Je me demande si ma présence... Bien qu'en même temps, j'ai compris et je sais pourquoi on est là. En connaissance de cause des raisons qui nous poussent. La preuve, c'est que j'ai quand même fait la démarche de venir. Mais en même temps, on ne peut pas être partout et chacun doit savoir où il est. Pour dire la vérité, j'ai pas mal de choses en ce moment. On m'attend. Au moment où je vous parle, je crois qu'on compte sur moi, donc dans pas longtemps, je vais partir. Mais ne le prenez pas comme une manière de... Surtout pas... En plus, si je suis sincère, j'ai pas envie de bouger. Ça m'intéresse bien ce que vous avez prévu, d'après ce que j'ai cru comprendre. D'ailleurs, souvent, moi aussi, j'y pense. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. J'y pense souvent et je suis venu comme vous, pour voir si, comme moi, des gens y pensent lorsqu'ils sont seuls. Mais en même temps, si je reste, ça va me retarder, je vais avoir du mal à... Donc, je vais peut-être pas partir comme ça d'un coup, ça serait un peu... Mais je vais pas traîner non plus, parce que j'ai tellement de choses à dire, à partager. Vous pouvez pas savoir. Juste avant de partir, je voudrais dire que je ne sais toujours pas très bien comment je suis arrivé jusqu'ici, mais... Faut pas vous en faire pour moi, hein. Je connais la sortie. V'là le printemps pour un tas de gens, faut voir comme ça les énerve. V'là le printemps, il faut que ça serve, mais le printemps c'est dégoûtant. V'là le printemps, monsieur l'abbé, v'là le printemps, sœur Marie-Ange, c'est-il que vous, ça vous dérange, c'est-il que ça vous ferait rêver. V'là le printemps, gnan gnan, v'là le printemps, Huguette, v'là le printemps, Florent, v'là le printemps, faisons la fête. V'là le printemps, monsieur le préfet, v'là le printemps, mame la comtesse, v'là le printemps, pour toutes les fesses et pour tous les porte-monnaies. V'là le printemps, pour les matons, v'là le printemps, pour les bidasses et pour les marchands de godasses et pour les marchands de canons. Je vais faire, on entend là-dedans, ouais. Je vais faire une chanson pédagogique pour expliquer le racisme aux enfants. Alors, les gens racistes, c'est une chanson pour enfants, faites pas chier, les moins bien que les autres. Les gens racistes ont des angoisses, mais refusent d'aller voir le psy pour soigner ce petit grain qui se cache à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que s'ils sont si malheureux depuis tout petit, c'est juste à cause de quelques-uns, et c'est peut-être ça le problème. Oui, sauf que moi, ces gens-là, j'en peux plus, ils me foutent les jetons. J'aime pas leurs tronches et encore moins leurs opinions. Y en a plus qu'avant, ça devient inquiétant. Si on les chasse pas vite fait, ils vont bientôt nous gouverner. Attention au refrain, à mort les racistes, à mort les intolérants. Ces gens-là sont pas comme nous, vivement qu'on les foute dans des camps. À vous, à mort les racistes, à mort les intolérants. Ces gens-là sont pas comme nous, vivement qu'on les foute dans des camps. Merci d'extrême gauche. Moi, je ne serai jamais raciste, puisque moi, j'adore les noirs. Je les trouve tellement agiles avec leurs grands pieds. Et j'ai même un ami qui est noir et qui est plutôt propre, mais surtout d'une extrême intelligence, et quasiment autant que nous. Alors moi, le racisme, hein, ne m'en parlez pas. Même si c'est vrai que ça se comprend des fois. Ben oui, dans certains cas, même si personne veut le savoir, le racisme est nécessaire, voire obligatoire. Alors attention, non. Oui, non, non. Je dis bien à mort les racistes, à mort les intolérants. Mais sauf des fois seulement, quand on peut pas faire autrement. Hein, hein. Et tous ces arabes Qui ne se gênent pas pour faire la chasse à nos belles blondes. N'empêche qu'on peut se lever de bonne heure pour faire pareil avec leurs sœurs. Et puis peut-être que les noirs, on les trouvera moins feignants quand déjà ils feront un effort pour bien articuler les R. Et les Shintok sourient tout le temps, comme ça on sait jamais ce qu'ils pensent, alors qu'ils ne pensent qu'à mettre à genoux l'économie de la France. Quand on voit que chez eux, pour 3 sous, on se vide les couilles dans du basage. Bon, celle-là sera la plus dure après. Astralab, même nos propres putes, ils vont nous les foutre au chômage. Allez, on tape dans les mains. Et à mort les Shintok, et puis à mort tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi vous tous. Il faut que ça se sache. Ahmed Karimi, qui vit en Belgique depuis 12 ans et qui est militant actif aux côtés des sans-papiers, a été arrêté arbitrairement par 9 policiers le mardi 2 mars à son domicile. Le monde associatif et syndical s'est mobilisé pour éviter son expulsion. Toutes les tentatives de son avocat ont été refusées et une manifestation sous haute surveillance policière a eu lieu devant l'Office des étrangers le lundi 14 mars. Monsieur Freddy Rosemont, directeur de l'Office des étrangers, a convié les membres de la coordination et les syndicats à une réunion ce jeudi 17 mars à 16h, avec la promesse qu'Ahmed ne serait pas expulsé entre-temps. Agissant dans la plus grande discrétion, l'Office des étrangers a ordonné l'expulsion d'Ahmed ce mercredi 16 mars 2016 par une escorte spéciale, sans aucune possibilité de refuser cette première tentative d'expulsion, ce qui est donc une infraction à la loi. Selon les membres de la coordination et leur soutien, cette expulsion considérée comme politique a été programmée bien à l'avance afin de briser le mouvement des sans-papiers. L'acharnement et la violence envers les actions des sans-papiers ainsi que la rapidité hors norme qu'a connue l'expulsion d'Ahmed confirme le changement qualitatif de stratégie du gouvernement envers le mouvement des sans-papiers. Ben voilà. Ben elle m'appelle Alex, j'habite à Bolivie, ouais. Ben je sais pas, il y a plus plein d'histoires avec des flics du style, je sais pas, fait du skate depuis 15 ans et quand j'avais 16-17 ans, je roule au Mont des Arts. C'est quoi ce bruit? C'est des cages à côté. Enfin bon, c'est les flics qui. Et en fait, ouais, je roulais au Mont, donc, et au Mont des Arts, c'est en ville, centre-ville. Et comme ils ont rien d'autre à faire, comme d'habitude, ils sont venus faire des contrôles de skateurs, vu qu'on est des proies faciles. Vu que j'étais jeune et qu'ils confisquaient les planches, et pour moi à l'époque c'était super important. Enfin, même maintenant on va dire, mais bon, plus à l'époque. On a tous couru pour éviter donc de se faire confisquer les planches. Et comme on roulait en skate, il y avait des flics en civil qu'on n'avait pas vus, et dont un des flics m'a donné un coup de pied, donc, et lui est tombé par terre, tellement il était sportif et peu imposant. Et donc il est tombé par terre et puis on s'est fait tous arrêter, mais comme d'habitude quoi, c'était un truc, enfin ça arrive plus ou moins une fois, deux, trois fois par mois quoi, quand on fait du skate. Et donc j'étais le seul à être prêt à rester au commissariat et on lui prend une déposition, tout ça, mais bon, comme je l'ai gauche, je ferais ça marrant, c'est rigolo, et puis sans vraiment savoir pourquoi je devais rester, Et ensuite, j'étais convoqué avec mes parents 2 semaines après pour passer au tribunal parce que, soi-disant, j'avais agressé un agent de police. J'ai dû payer 60 000 francs. Et évidemment, vu qu'ils sont assermentés, qu'il y avait des témoins avec eux, j'ai dû payer, quoi. Donc, alors qu'un gosse de 16 ans ne va jamais arrêter un flic de 200 kilos avec de 40 ans. Enfin bon, c'est une des histoires banales. Quoi, ils ont fait croire que tu l'avais agressé alors que t'as rien fait. Mais non, enfin, je roulais en ski, le flic m'a donné un coup de pied. Et comme j'allais plus ou moins vite et que lui est vraiment pas sportif, il est tombé sur, bêtement sur son cul. Et comme quoi moi j'avais agressé, enfin bon, un truc bien ridicule, mais bon, c'est obligé de croire vu qu'ils sont assermentés, c'est ça qui est dangereux vu qu'on donne du pouvoir à des gens qui sont racistes, je sais pas, on leur donne des armes, ils sont racistes, souvent bien stupides, trois quarts du temps alcooliques. En plus, donc, ils représentent la justice, c'est ça qui est dangereux aussi, quoi. Et quoi, ils confisquaient vos planches, pourquoi? Parce que c'était interdit. À un endroit où vous pouviez pas? Non, parce que c'est interdit partout à Bruxelles. C'est aussi une loi qui est bien intelligente, interdit les skateurs, alors que les vélos et les rollerbladers, ils peuvent rouler partout. On dit que juste le skate, c'est interdit, j'en sais rien. Ils comprennent pas, ça leur fait peur, c'est bien un nouveau preuve de leur intelligence. Enfin bon, il m'arrivait plein d'autres trucs aussi, plus souvent à Woluwe aussi, quand le Skakel, c'est près du shopping de Woluwe, c'est une salle de concert et tout ça, donc souvent des jeunes, c'est dans un parc. Et en face, il y a une école primaire, mais sans grillage, un étage, quoi. Enfin, même pas d'étage, juste au pied de sol, quoi. Et là, on voulait aller démonter avec des potes, avec 5-6 potes, dont une copine aussi, pour voir le feu d'artifice, et boire des bières, des trucs à la con. C'est le premier le jour de la fête nationale. On chillait là, quoi, non, mais on rien de méchant, quoi. Et on a entendu du bruit, on se dit, ouais, on va quand même pas faire trop de bruit, peut-être qu'il y a des gens en bas, ou je sais pas, et puis on entend vraiment des voitures qui arrivent et compagnie, on se demande ce qui se passe. Puis pour finir, on va voir, et puis on se rend compte qu'il y a une dizaine de flics qui nous braquent, qui gueulent « Descendez, descendez !» Qui vous braquent? Non, on est sorti les flingues en main et compagnie, on a dû sauter quand même assez haut, et le pied sur le crâne, avec l'arme sur la tempe et compagnie. Donc, mais genre, imagine un peu le limite, on se dit « Ouais, on y va, on part », un bête réflexe de vie de fuite, ils auraient descendu, et ça aurait été « Ah, des jeunes font un casse dans l'école primaire de trucs pour d'abord pour les quoi des chaises collées, des chaises ou des crêtes, des trucs bien con, faire un caisse dedans. Enfin bon, on se fait arrêter, donc menotter dans le fourgon. Il y avait 3 fourgons et 5 voitures de flics. Il y avait même un pote qui passait dans le gaz, le pauvre. Il passait devant, il se met vraiment à 10 mètres de là. On l'a pris, on croit qu'il faisait le guet pour le casse, on s'est embarqué avec. Bon, enfin bref, on se retrouve au poste, on explique ça et ça a bien fait rire évidemment, sauf qu'ils n'ont pas capté que à 2 doigts. Enfin. On allait se faire tirer dessus, si on aurait fait un truc suspect à leurs yeux. Enfin bon, j'ai bêtement être assis sur ton école pour eux, c'est suspect. Donc, plus ou moins l'ordre de trucs. Moi, c'est arrivé d'autres trucs aussi à Stockholm, même près de chez moi. C'est dans le métro et il y a, donc j'étais assis dans le métro et je vois des flics et des gendarmes qui courent dans le métro et qui me voient. Puis à ce moment-là, le port de métro se ferme, le métro démarre, ils arrêtent le métro, ils demandent d'ouvrir les portes, ils m'arrachent du métro, je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai bêtement. Bah, c'est pas possible. Non, c'est véridique. Ouais. J'étais avec mon Walkman dans le métro et il m'arrache direct. Il voit mais vraiment plein de flics aussi. Il me faut arrêter. Il dit où est ton cutter? Où est ton cutter? Moi je fais ah, quel cutter? Tu flashes? Ah, t'es hop, tout le bordel. Il me fait arrêter. Mais vraiment, il y avait flics de ce type, gendarmes et flics quoi. Bon, j'arrive dans un petit truc pour là où ils vendent les obètes de bus, où ils vendent des tickets. Je me retrouve là-bas sans mes chaussures. Enfin, c'est leur procédure à la con. On te fait arrêter pendant 1 heure. Ils te demandent d'enlever les lacets. Enfin, je sais pas, peut-être croire qu'on va se prendre les lacets pour 1 heure au poste. Enfin bon. Enfin bon, je me trouve donc là-bas, à me faire insulter, comme d'habitude, un petit con, ton cutter, rebut de société, enfin bon, le truc bien intelligent, comme ils peuvent dire. Et donc, même mon père est passé, il s'est demandé ce qui se passait, lui il voulait intervenir, j'ai fait non, laisse tomber. Enfin bon, on se fait arrêter, il dit ouais, confrontation du témoin, est-ce que soi-disant, j'aurais balafré quelqu'un à Alma. Mais bon, je vais tout de suite et je vais vers Montgomery, donc d'office, je vais déjà vers Alma, donc c'est complètement con de croire que j'aurais tabassé balafré un mec à Alma, courir jusqu'à Stockel et retourner après vers Montgomery. Enfin bon, mais ça, il voulait pas rien savoir. Je suis donc arrêté, et là-bas, il voulait faire confrontation avec témoin, avec ma carte d'identité. Et bon, là, je me suis énervé, j'ai fait, c'est bon, la photo de carte d'identité, c'est forcément n'importe qui, un jeune rasé avec un pull, bon, avec une barbe, c'est clair qu'il y en a plein, quoi. Enfin bon, alors, le témoin vient, il fait, ah non, c'est pas lui, donc j'ai passé 1 heure et demie, là, à me faire insulter. Et tout ce qu'ils ont trouvé à me dire, c'est ouais, bon, ben, c'est pas pour cette fois-ci, un petit con, on rentre chez toi. Donc, ouais, ben bon. Et voilà, moi, c'est plein de trucs parce que moi, je dessine beaucoup, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et donc, j'ai aussi un book. Et vu que moi, je sais rien faire, vu que j'ai pas de recours par rapport à eux, moi, je fais des dessins contre eux. Bon, c'est agressif, mais c'est clair que je vais jamais le faire, donc, la frère un flic ou le pendre, un truc comme ça. Et donc, une fois aussi, un contrôle de routine, comme ça arrive souvent, ils m'ont aussi confisqué mon book, alors que c'est mon. Enfin, c'est mon outil de travail, quoi. Et pour eux, enfin, bon. Faire comprendre que j'ai pas vraiment fait ça et essayer de faire comprendre que j'ai pas des graffitis ou des tags et des conneries pareilles. Donc ils ont gardé mon book, mais bon, j'ai plus jamais récupéré, quoi. Alors c'est comme, allez, je sais pas, 6 mois, 1 an de travail qui se retrouve là-dedans, quoi. Donc voilà. Et t'essayes pas de le récupérer? Non, non, mais de toute façon, ils m'ont dit, enfin, j'ai même pas essayé. De toute façon, je les évite le plus possible, ceux-là, parce que ça sert à rien, quoi. Ça aussi qui est bizarre avec eux, ils sont censés être représentés à la justice, mais. Bah, ils me font, enfin, on les craint plus qu'autre chose, quoi. Ils doivent nous protéger, mais qui veulent nous protéger d'eux, c'est ça aussi le problème, quoi. C'est que des flics comme l'histoire, comme j'expliquais, à la limite, je me suis fait arrêter, ils m'ont insulté et compagnie. J'ai reçu les coups de bottin aussi, parce que nombre de fois qu'on se fait contrôler, une fois ils se foutaient de ma gueule, ils disaient, ouais, t'es un petit con, hein. Ouais, je suis un petit con. Je répondais, ouais, je suis un petit con. C'est, ouais, ta mère t'aime pas. Non, elle m'aime pas. Tu vas à l'école, ouais. Arrête. T'es pas bon. Ouais, non, je suis pas bon à l'école. T'es vraiment un imbécile fini. Ouais, je suis un imbécile fini. Tu vas faire quoi dans la vie? Moi, je fais, bah, il me reste que flic. Et du coup, j'ai reçu des coups de bottin, j'ai passé 2 heures au poste à moitié sonné, des conneries comme ça. Mais bon, ça, je veux qu'on fasse porter plainte contre eux, aller au commissariat, je veux porter plainte chez eux pour dire qu'eux m'ont tapé. C'est clair, ça arrive à un fils d'avocat ou n'importe qui d'autre, il y a peut-être plus de poids que moi, mon père chauffeur de bus et ma mère au chômage, quoi. Pas me casser le cul à des procédures et commencer alors, c'est une bêtise, quoi. Et c'est clair, bon, tu vois, ces petites histoires rigolotes, mais par rapport aux histoires de que ça arrive à d'autres gens, c'est clair, c'est pas grand-chose, mais le problème, c'est que c'est là vraiment la routine, quoi. Dès qu'ils vont à des gens rasés ou pantalons larges ou n'importe qui pourrait être suspect ou qui comprennent pas, qui sont tellement cons pour eux, ils captent même pas la différence entre certains styles et d'autres. Enfin, de toute façon, même arrêter quelqu'un bêtement pour un style ou parce qu'on leur plaît pas, quoi, c'est tout. Je comprends qu'il y a des contrôles de base, mais bon, quand il n'y a aucune raison qu'on passe 2 euros au poste juste parce qu'ils n'aiment pas notre gueule, c'est un peu stupide, quoi. Ça résume bien les flics de Bruxelles en général, quoi. Ouais, je sais pas, en plus, par contre, la seule fois, j'ai jamais vu un flic sympa, ici, en 15 ans de skate, entraînant tout le temps dans la rue, mais, par contre, quand j'étais au Canada, là-bas, ils sont plus intelligents, parce que déjà, ils ont 4 ans d'études, quoi. Et ici, ils ont 9 mois, quoi. Ce serait peut-être près une solution pour ici, quoi. Déjà, pas donner ça à n'importe quel crétin, des piliers de comptoir, qui sont racistes, quoi. C'est clair. Parce que ça, en plus, moi, j'ai la chance d'être blanc, parce que sans compter les noirs ou les marocains, eux, ils touchent vraiment, quoi. Parce que c'est vraiment, tu racistes et compagnie, et c'est vraiment bien, bien lourd, quoi. Bon, on traite de con, j'en ai rien à foutre, mais bon, on traite un black de sale nègre ou de moutouf parce que c'est un Marocain. C'est vraiment même plus tour. Et ça, c'est vraiment pour espérer qu'on s'énerve, quelque chose à faire, quoi. Et moi, et je suis sûr aussi, c'est une question de statistique, quoi. Ils doivent arrêter certains à faire des contrôles ou un certain nombre de gens par mois. Et évidemment, c'est facile de faire chez les skateurs au Mont des Arts ou n'importe où, que les places pavillon ou des trucs comme ça, où là, ils vont se faire d'office avoir des problèmes. Ou... Parce que moi aussi, j'ai une copine qui habite là-bas 4 ans, je travaille comme beaucoup là-bas. Donc, dans le Scarbeck, là, on voit jamais un flic, quoi. À part la maison communale, pourtant, là, vraiment, le truc qui se passe, c'est vraiment un truc bien lourd, quoi. Des trucs, et quand vous pensez que des gosses de 15 ans qui vendent de la drogue, des trucs comme ça, c'est quand même plus important que des gens qui font du skate bêtement en mont, mais bon, pour nous, on est des proies faciles, quoi. Et souvent, ils disent aussi, ouais, la bite polluée, ça aussi, c'est un premier pollué, c'est qu'on se ferait tailleur, d'un pollué, comme une riche, comme une facilité, du coup, nous deux fils, on a des problèmes, parce que, évidemment, nous, on sait peut-être les payer, enfin, sur 10 ans, parce qu'à pollué, il n'y a pas que des bourges et que des grosses maisons. Moi, je n'ai pas beaucoup de moyens, bon, j'habite à lui à cause de ta, grâce à avec mes parents, quand même. Pour eux, ça, comme une facilité, donc d'office, nous, on se tape les amendes, des trucs comme ça. On dit que quand on dit de venir à Scarbec ou n'importe quel quartier, ils hésitent d'office parce que ce serait d'office des ennuis pour eux. Enfin, ils ne savent pas les payer, donc c'est des procédures, des paperasses qu'eux ont ennuyé, déranger leur partie de carte, quoi. Ouais. C'est clair, quoi. Ouais, donc, mais, de ces trucs, enfin, ils sont, de toute façon, pour moi, ils sont beaucoup racistes, vu que moi, j'habite maintenant à Crenem, la première maison sur Crenem. Et là aussi, ils sont en plus là-bas, ils sont racistes, parce qu'ils sont irlandophones, ils sont encore plus sur les francophones, quoi. Et ça aussi, c'est bizarre, parce que déjà, moi-même, quand on se fait arrêter à l'Amigo au centre-ville, ils parlent tous néerlandophones, ils insultent tous en flamand, alors que, bon, parce qu'on est francophone, alors que c'est vraiment le centre de la capitale, enfin, c'est le centre de Bruxelles, enfin, le centre de Bruxelles, quoi. To want you, I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. to seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you, time. Je te laisse te présenter en fait. Tu es avocat et tu as défendu, tu es occupé à défendre. Attaque. Et donc je défends à la fois les journalistes qui ont été embêtés au moment où ils prenaient des images et à qui on a volé leurs images. Et je défends aussi Zine TV et Attaque Bruxelles 2 dans ce cadre-là. Donc je suis Olivier Sten, avocat. Bruxelles 2, c'est ça que tu as dit ? C'est, en fait, Attaque, c'est assez compliqué. Il y a des différentes locales de Attaque. Et là, c'est la locale de Attaque à Bruxelles 2, parce qu'il y en a deux, il y a la 1 et la 2. D'accord, on va se brancher alors sur Zine TV. Donc en gros, cette année-ci, on était en 2015 ou 2016, je ne sais plus maintenant quand est-ce qu'elle avait eu cette manif TTIP. La manif a lieu en 2015 et effectivement, il y a des journalistes qui sont liés à Zine TV, mais dont un des deux est aussi un permanent de Attaque qui est en train de réaliser un reportage pour Attaque. Et les deux filment à un moment les policiers et un policier s'avance vers eux. Il arrive avec ses collègues également. Il y a une discussion sur la légitimité du comportement des policiers, mais ils s'en foutent. Ils attrapent la caméra de force, enfin l'un des policiers attrape la caméra de force et efface toutes les images qui se trouvent sur la caméra en question. Évidemment, comme sur la caméra en question, il y avait les images de tous les derniers jours de manifestation, bah, le projet de docu-reportage de Zine TV et d'Attaque est mis à mal par l'attitude de ce policier. Le caméraman et le reporter qui étaient en train de réaliser le reportage aussi, évidemment, sont mis dans une situation où on leur gâche plusieurs journées de travail et puis la possibilité de s'exprimer sur un événement militant majeur, à savoir le combat contre le TTIP. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on attaque le policier. Ce policier-là, nous, on attaque le policier. Donc, nous, Zine TV, Attaque Bruxelles 2, le caméraman et le reporter. Okay. Ensemble, toutes ces personnes attaquent X, à savoir le policier et éventuellement ses collègues qui se seraient rendus complices de celui-ci, pour vol, atteinte à des libertés constitutionnelles fondamentales, pour piratage informatique, parce qu'une caméra est un système informatique, et donc voler un contenu sur une caméra, eh bien, c'est en fait commettre une forme de piratage informatique, et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les articles du code pénal qu'on a visés, mais en gros, l'idée, c'est de les tenir pour une fois responsables de cette destruction systématique qu'ils font des images. Pourquoi ? Parce que finalement, dans la plupart des situations où des affaires se retrouvent en justice et où il y a d'un côté des militants, de l'autre côté des policiers, qu'est-ce qu'on constate ? Que les policiers, qui souvent se sont montrés violents, vont se cacher derrière le fait qu'il y a peu de preuves, peu d'images, et donc rien de concluant ou définitif en tout cas. Et donc on va avoir d'un côté des militants qui diront « on a été tabassés », d'un autre côté les policiers qui diront « non, non, c'était de la rébellion, donc c'était une infraction que ces gens étaient en train de commettre, et donc on a dû les neutraliser ». Et comme le juge aura du mal à départager la version de 5 ou 6 policiers qui souvent mentent ensemble et celle des militants, et ben on se retrouvera dans une situation où le militant aura déjà de la chance d'être acquitté, alors que dans la pratique, c'est lui qui souvent aura été victime de violences policières. Et donc, une question essentielle, les gens me demandent souvent « mais quels sont mes droits dans telle ou telle situation ?» Et souvent, je leur réponds « c'est bien de connaître ses droits, mais plus fondamentalement, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux prouver ?» Parce que concrètement, les gens sont souvent estomaqués quand ils découvrent le dossier répressif pour la première fois, de voir avec quelle constance et quel cynisme les policiers ont menti. Et donc, face à cette réalité-là, la question de savoir ce qui est légal ou pas, et les questions marginales sur le plan du droit, ont souvent peu d'importance. Souvent, la question majeure va être « est-ce qu'on peut prouver que le policier s'est comporté comme vous le dites, ou est-ce qu'on va se retrouver avec votre version face à celle de ce policier-là et souvent de ses collègues fort complaisants qui vont tous avoir un certain récit sur la manière dont les événements se sont déroulés. Quand on se retrouve dans ces situations-là, il n'y a pas 36 façons d'objectiver ce qui s'est produit effectivement. Et la façon la plus efficace d'objectiver, c'est souvent les images. comme les policiers sont conscients de ça et que les mauvaises expériences qu'ils ont face à la justice, c'est généralement des expériences où il y avait des images, eh ben, ils tirent les leçons de ça et ils se contentent de considérer que toute personne qui filme peut être tabassée ou en tout cas que c'est justifié d'agresser toutes les personnes qui filment pour leur voler leurs images. Justement, vite à la base, on a le droit, tout un chacun a le droit de filmer un policier en train de travailler. Je veux dire, dans l'espace public, on peut filmer, on peut photographier un policier, non ? Alors, oui, évidemment, on peut filmer un policier. Pourquoi est-ce qu'on peut le filmer ? On me demande quel article de loi c'est. Il n'y a pas d'article de loi. Ça se déduit du fait que, comme ce n'est pas interdit, c'est autorisé. C'est encore une des vagues règles qui nous reste, c'est que tant que ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, je vais quand même citer l'autorité de contrôle de la police française qui disent que les forces de l'ordre doivent considérer comme normal l'attention que des citoyens ou des groupes de citoyens peuvent porter à leur mode d'action. Le fait d'être photographié ou filmé durant leur intervention ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques. On pourrait même dire des règles pénales, hein, pour aller un peu plus loin, parce qu'on a parfois vu que les règles pénales leur faisaient... qu'ils n'avaient pas toujours peur de commettre une infraction. Mais donc, on a aussi des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, où ils constatent que ça peut être important pour un journaliste d'avoir pu protéger ses images. Dans le terme journaliste, il y a en fait tout citoyen qui se serait muni d'une caméra et qui aurait le souhait de faire connaître un certain nombre d'informations à ses concitoyens. Donc c'est pas limitatif, carte de presse ou pas carte de presse, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on constate quand on est confronté à la police, c'est les policiers arrivent, ils voient une personne en train de filmer et puis ils font ce que vous êtes journaliste ou pas, ça c'est une de leurs premières questions parce qu'ils pensent avoir le droit de neutraliser ceux qui ne sont pas journalistes. Et alors il y a ceux qui n'ont pas de carte de presse qui vont être les premiers victimes de la police, mais quand par hasard ils tombent sur quelqu'un qui a une carte de presse mais qui appartient pas à un des médias que les policiers eux-mêmes regardent, à savoir la RTBF ou RTL TVI, bah aussitôt ils considèrent que ça n'existe pas, comme par exemple un journaliste italien qui s'est retrouvé lui aussi tabassé avec ses images volées. C'est dingue ça, non? Donc c'est tabassé par la police? Oui, c'est, oui bien sûr, enfin est-ce que c'est dingue. Moi, quand j'ai fait une mission récente avec une série d'avocats européens, tous les avocats européens, on allait examiner la situation en Turquie, qui est effectivement dramatique et où les libertés fondamentales fondent comme neige au soleil. Mais souvent, quand on avait des discussions avec les autres avocats venus des autres pays européens, ils notaient des choses à propos de la manière dont la police se comportait, en disant bah, « c'est bien la preuve qu'on est face à un pays où aucune règle n'existe. Par exemple, il n'y a pas d'indépendance de l'autorité de contrôle de la police. » Et puis je me disais « ah oui, mais nous, notre comité P en Belgique, c'est des policiers détachés, enfin leur service enquête, c'est des policiers détachés pour 3 ans qui en réalité ne sont pas du tout en mesure de critiquer efficacement leurs collègues. » Et donc quand je leur racontais ça aux autres avocats européens, ils avaient tous l'impression qu'on était un pays du tiers-monde, et de ce point de vue-là, j'ai tendance à être d'accord avec eux. Mais j'ai perdu un petit peu le fil de juste avant. J'ai dit quelque chose et t'as réagi en disant que c'était dingue. Je veux dire, c'est quand même dingue que la... Oui, est-ce que c'est dingue? Je veux dire, qui nous protège de la police? La police est censée nous protéger, non? À la base. écoute, là, prochainement, j'ai une affaire qui va arriver devant les tribunaux où c'est des personnes qui appellent la police parce que... ils se sont fait agresser par un type sous et drogué, probablement. Le type tente de les poignarder avec un bout de verre et donc ils appellent la police. La police intervient, sépare les uns et les autres sans trouver nécessaire d'arrêter le type. On n'a pas bien compris pourquoi, sans doute qu'ils étaient débordés et qu'ils avaient autre chose à faire. Quelque temps plus tard, le type revient à la charge et les agresse à nouveau. Ils appellent la police. Le temps que la police arrive, parce que ça prend un certain temps, des passants sont déjà intervenus et donc le type s'est enfui, est un peu plus loin. La police retrouve ces personnes-là. Elles font « ok, des gens qui nous gênent sur la voie publique ». Ils les tabassent et sérieusement. Et en plus, après, ils les mettent en détention et leur apportent même pas des médicaments dont pourtant le médecin dit qu'ils ont un indispensable besoin. Donc on voit que les policiers, souvent, ils ont une espèce de délire d'autorité. Et dès qu'ils ont l'impression que leur autorité est contestée, même sur une base légère et peu réfléchie, eh ben ça suffit parfois pour qu'ils se montrent très violents. C'est pas le cas de tous, évidemment, mais il faut dire que la justice envoie quand même un certain signal sur la possibilité d'être extrêmement violent quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec 14 policiers sadiques de la police des chemins de fer qui avaient leur salle de torture dans les sous-sols de la police, qui ont donné un clochard à... Pardon ? Tu vas trop vite, là. Tu parles des trucs énormes. Mais c'est de quelle histoire tu parles, là ? Alors, cette histoire-là, elle est renseignée dans toute la presse traditionnelle. Hein. C'est l'histoire des 14 policiers de la police des chemins de fer qui torturait des SDF. En Belgique? Oui, en Belgique. Et donc... J'ai vaguement entendu, j'ai pas approfondi le sujet, mais j'ai vaguement entendu. Bah, toute cette histoire, qui est pourtant ultra grave et ultra documentée, s'est terminée avec une tape sur les doigts pour certains policiers et avec des acquittements inqualifiables pour toute une série d'autres bourreaux. Dans la pratique, ce qu'ont rapporté manifestement les éléments de l'enquête et les éléments de témoignage qu'on a pu obtenir d'autres policiers qui avaient été indignés par ce qui se passait, c'était qu'il y avait toutes sortes de méthodes de torture, dont ce qu'ils avaient appelé la boîte à musique, un casier où ils mettaient les SDF pour les enfermer, pour les secouer. Un système qu'ils avaient avec des armoires de rangement où ils venaient utiliser le tiroir pour fracasser faire pression sur le dos et faire extrêmement mal aux vertèbres, aux personnes qui le frappaient. C'est cette policière qui, pour son anniversaire, s'est vue offrir un SDF à tabasser, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et par exemple, un de leurs boss de la police explique qu'il n'avait jamais entendu tout ça parce que les trains faisaient trop de bruit. Donc voilà, chacun jugera s'il trouve que ce genre de justification est suffisante pour justifier que ce policier-là ne soit pas inquiété ensuite. Ok, mais donc ils sont passés au tribunal, ces policiers, mais comment ça a été qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on a dénoncé ça? En même temps, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais comment ça se fait que ça a été mis au jour? Bon, c'était un exemple que je citais. En fait, on parle d'un dossier que je connais nettement moins bien que ceux que je traite moi-même habituellement. Celui-là, j'intervenais pas dedans, donc je suis peut-être pas celui qui est le mieux placé pour en parler. Ce que j'ai vu, c'est ce qui en était dit dans la presse. Donc, a priori, moi, je pense qu'il faut plutôt se renseigner là-dessus. Une chose qui est quand même à noter, c'est que l'affaire débute avec des policiers avec l'un ou l'autre des policiers qui se sentent minorisés, qui se sentent en difficulté par rapport à leurs collègues, mais prennent quand même l'initiative à un moment de dire ça suffit, de dénoncer ce qui se passe et d'en parler devant les tribunaux. Je pense que c'est pas anodin non plus parce que ce serait tout à fait contre-productif de mettre tous les policiers dans le même sac et de se dire ils sont tous violents et crétins. C'est évidemment pas le cas et évidemment qu'il y en a qui ont des valeurs et des principes très forts. Ce que moi je dis, c'est au niveau structurel, il y a un problème très grave, c'est que ceux qui sont violents ne se font jamais taper sur les doigts, ils sont entre guillemets couverts par une justice qui à leur égard est complètement laxiste et leur assure une impunité totale. Et on voit pas pourquoi d'ailleurs, je veux dire, il y a des dérapages dans la police, je veux dire voilà, je vois pas pourquoi on pourrait pas, ces personnes ne pourraient pas être passées. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que la justice n'est pas plus ferme à l'égard des policiers en question? C'est ça que tu veux dire? Mais oui. Ben je pense que n'importe qui comprend la situation dans laquelle on se trouve n'importe qui comprend la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle est conscient qu'avec la diminution des droits et de l'espace démocratique, avec la hausse de la répression, avec la diminution des droits sociaux et tout ça, on se dirige vers une société sans cesse plus violente et plus dure. Oui, ça d'accord, donc, mais dans le cas des SDF, cette logique-là, dans le cas des SDF et de cette histoire-là, après on partira vers ton domaine que tu connais mieux, mais je veux dire, je vois pas pourquoi un flic qui dérape, qui abuse de son pouvoir, ne pourrait pas être mis au poteau comme tout citoyen, enfin voilà, pourquoi c'est pas si simple que ça en fait? Sur le plan des principes, je te rejoins tout à fait. Sur la réalité de comment ça se passe, je crois que c'est pas si difficile à comprendre si on voit la logique dans laquelle ils fonctionnent, leur volonté de garder une police forte qui n'hésite pas à aller loin. Je pense que si tu veux avoir une police qui peut être répressive et qui peut soutenir un appareil d'État qui est de plus en plus dur, eh ben, c'est logique de vouloir montrer aux policiers que tu les couvriras quoi qu'il arrive. Et maintenant, on peut aller plus aussi vers ton domaine. Donc, on parlait aussi de tout ce qui s'est passé depuis les attentats, peut-être même avant. Il y a quelque chose qui est occupé à se mettre en place de hyper répressif. En fait, tu parlais d'état policier dans ta conférence, là. Est-ce que tu peux un peu développer? Alors, ça va me faire beaucoup de choses à dire. C'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule dans tout un processus qui est en train de se mettre en place et qu'on constate. Alors, d'un côté, ce que j'isolerais, c'est d'abord qu'il y a clairement un exécutif qui devient tout puissant. Donc, il y a la séparation des pouvoirs qui existait il y a de ça encore quelques années. On accordait une certaine importance, enfin, je veux dire, c'est en tout cas un principe fondamental dans une démocratie, c'est que d'un côté, il y a le Parlement qui fait les lois, il y a le gouvernement qui les exécute de façon générale, et dans leur application quotidienne, c'est les juges qui décident de comment elle s'applique à un cas concret. À l'heure actuelle, prenons le gel des salaires. Ça s'est fait par une décision du gouvernement sans jamais passer par le Parlement. Prenons les garanties accordées à Dexia, c'est-à-dire la possibilité en fait que l'État belge se retrouve en faillite si ces garanties doivent être mises en œuvre. Donc une décision politique de premier plan. on a totalement dribblé le Parlement aussi, on s'en est passé totalement. Et plus loin que ça encore, quand ils ont accordé des garanties pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même précisé qu'au cas où un juge viendrait à constater que ces garanties sont illégales, elles continueraient quand même à s'appliquer. Donc une volonté totale de mettre le juge sur la touche. On a la loi qui a été appelée loi Potpourri 2 du ministre de la Justice Gaines, qui fait entrer en vigueur un concept du plaider coupable, qui donne évidemment aussi beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif, puisqu'il y a des deals et des arrangements qui se font avec les personnes poursuivies, sans plus que de nouveau les juges aient leur mot à dire. Il y a aussi un concept qui est sans cesse plus étendu au cours des dernières années, qui s'appelle la transaction pénale. À la base, c'était une chouette mesure qui permettait à des petits délinquants de payer une amende, qui leur permettait d'échapper à un long procès et qui évitait aussi à la société d'avoir à se préoccuper d'organiser des dizaines et des dizaines de procès pour des tout petits délinquants. Et en vitesse, de manière très très douteuse, par la commission finance du Parlement au lieu de la commission justice, ce qui est déjà en soi très significatif, sous pression, dans un cadre que je vous invite à rechercher sur Internet, parce que le cadre lui-même, la pression de Sarkozy et tout ça était déjà en soi très significatif, on a élargi cette transaction pénale. Et donc cette transaction pénale permet aux riches d'acheter son procès, pour autant qu'il ait l'accord du parquet, c'est-à-dire finalement de l'exécutif du ministère de la Justice. Donc, mais là, tu nous parles de la France ? Non, non, non, je te parle de la Belgique. Et qu'est-ce que Sarkozy a à voir là-dedans ? Sarkozy avait fait pression sur Armand de Decker et sur d'autres élus belges pour qu'il y ait la possibilité de transaction pénale en Belgique afin d'aider un de ses amis kazakhs. Ça se retrouve dans la presse aussi si vous voulez vous renseigner. Il y avait aussi à ce moment-là une certaine société, AXA Luxembourg, qui était accusée en tout cas d'avoir pratiqué du blanchiment au détriment de toutes les personnes qui avaient travaillé pour Sabena à l'époque. Et donc il y avait la volonté aussi pour AXA Luxembourg d'échapper aux conséquences de ses activités criminelles. Il y avait Omega Diamonds, qui est donc une société qui semblait trempée dans des affaires de problèmes fiscaux, mais aussi on a évoqué des situations de diamants de sang. Je ne connais pas l'affaire en détail, mais là aussi il s'agissait de pouvoir conclure une transaction pénale au plus vite avant que la justice en vienne à condamner des riches. Et donc voilà, l'ami kazakh de Sarkozy, ça a été aussi toute une volonté de la Belgique de faire disparaître cette affaire. À l'heure actuelle, bon, je ne peux pas forcément parler de certaines procédures en cours, mais je pense qu'il y a des cas encore plus scandaleux où des arrangements avec des gouvernements les moins démocratiques du monde sont en train de se faire justement pour que certains de leurs nationaux puissent acheter leur procès. Donc il s'agit de payer une grosse somme d'argent et à ce moment-là, l'action publique à votre égard est éteinte, vous êtes protégé des conséquences de votre comportement. Donc ça, c'est quelque chose de très lourd, de très grave. Et je pense que c'est très significatif aussi parce qu'on parle d'un appareil répressif qui se renforce et on a évidemment raison, mais c'est très important aussi de se rendre compte qu'il ne se renforce pas contre tout le monde. Hein. Et pourquoi tu dis qu'il a raison de se mettre en répression, cet État ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on a raison de dénoncer le fait que l'appareil d'État devient de plus en plus répressif, mais on aurait tort de ne pas voir qu'en parallèle, il devient très laxiste et très compréhensif avec deux catégories de population, les gens et les sociétés très riches et les policiers. Hein. Je pense que ça en dit long aussi sur la logique sous-jacente à tout ça. Alors après, pour ceux qu'eux on vise dans le cadre de la répression, ben, y a tout un arsenal, tout un dispositif qui n'est pas le dispositif d'une dictature qui taperait fort avec son armée sur la populace quand elle se met en révolte. Non, c'est un dispositif très policier en ce que c'est un dispositif qui vise vraiment à identifier et individualiser chacun, à casser les solidarités et à exercer une force strictement nécessaire sur chacun pour les empêcher de continuer à militer. Sur le militant occasionnel qui vient une fois à une manif, on va bien le dégoûter en lui donnant une sanction administrative communale, il se retrouvera à devoir payer 200 € et il ne reviendra plus en manif. À l'inverse, ceux dont on pense qu'on ne parviendra pas à les décourager, quelles que soient les mesures qu'on prendra, là on sort l'arme lourde, à savoir le tabassage policier par occasion, mais aussi et surtout les lois antiterroristes. Et là, il y a un arsenal qui est devenu de plus en plus absurde, qui permet vraiment de poursuivre les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font, avec une explosion complète comme ça du nombre de personnes poursuivies. Le parquet annonçait 600% d'augmentation récemment, donc c'est vraiment quelque chose de très large et qui vise pas seulement les islamistes, mais aussi des groupes militants, aussi des Kurdes qui se battent pour des droits fondamentaux pour les Kurdes en Turquie, en Syrie et ailleurs. Et donc on a comme ça une justice qui est de plus en plus politique. Avant, elle s'intéressait à des questions politiques, mais de manière marginale. Ici, de manière centrale, puisqu'elle se préoccupe vraiment de la question de la légitimité du combat kurde et ainsi de suite. Mais évidemment, sous l'angle de ce qui est nécessaire pour le gouvernement, qui veut pouvoir faire plaisir à ses amis turcs ou à ses amis marocains en poursuivant les uns et les autres. C'est Olivier ton prénom ? Oui, c'est ça. Olivier comment ? Olivier Sten. Olivier Sten, avocat. Je trouve ce que tu racontes est passionnant, mais tu parles à une vitesse. J'ai plein d'impôts qui viennent super vite. Je me dis que j'espère que je réagis là au taquet, parce que tu vas très vite dans ta pensée, tu as l'habitude. Mais par exemple, ce système répressif, ben, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, mais de dire que ce système répressif, donc quand tu lis l'histoire du monde hein, et des civilisations, ça, c'est quand même toujours... Celui qui a du pognon, celui qui fait des affaires, celui qui fait que la civilisation s'est faite sur le dos des plus pauvres. Enfin, c'est toujours la même mécanique qui se met en place, mais on joue à l'hypocrisie pour faire croire qu'on est en démocratie. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui avec tout ça ? Parce que j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, c'est ben, on joue plus qu'on est en démocratie. On l'est plus. On a l'impression qu'il y a ça qui se passe en ce moment. Voilà. En fait, là, je te rejoins tout à fait. Il y a un point commun, on va dire, à... Il y a un point commun à la plupart des sociétés, c'est que c'est effectivement, il y a un certain nombre de personnes au sein de ces sociétés qui sont favorisées et d'autres qui le sont moins. La question, c'est effectivement pour moi pas de savoir si on est en démocratie ou pas en démocratie, c'est pas blanc ou noir, c'est plutôt à quel degré de démocratie on se trouve. On a un degré de démocratie plus grand quand les plus puissants, les plus riches, ceux qui participent de ces milieux, qui sont à la fois les multinationales et à la tête du gouvernement, quand ces personnes-là nous concèdent qu'il y a un certain nombre de principes et de règles primordiales qui sont valables pour tous et qu'ils sont tenus de respecter, là on a souvent un degré plus fort de démocratie. Quand ces principes commencent à être abandonnés, là on a un problème. Quand on est face à des législations qui visent à organiser la société en faisant des règles valables pour tous et qui visent à savoir comment on va tous s'organiser collectivement, là on a un degré plus grand de démocratie. Quand on commence à avoir une justice pénale de l'ennemi, c'est-à-dire qui essaye de te désigner qui sont les gens qu'il faut expulser du corps social ou qui sont les ennemis à l'intérieur du corps social, quand on commence à essayer de chercher l'ennemi, le traître, le communiste, le terroriste et ainsi de suite, là on commence à entrer dans une situation où forcément les droits démocratiques diminuent très vite et très fort. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'effectivement, c'est toujours une question de degré, mais sur les 10 dernières années, on a passé un cap qui fait que pour moi, à l'heure actuelle, on ne peut plus dire être en démocratie et on ne peut plus dire qu'on est face à une justice neutre et indépendante. Ça, c'est devenu une farce. Ce n'est pas la faute des juges, ce n'est pas la faute de chacune des personnes qui font fonctionner ce système au quotidien. C'est une réalité systémique quand on regarde comment les choses se passent, fonctionnent. Si je parle très vite et que je passe d'une idée à l'autre, c'est pour essayer de faire le lien entre tout ça, parce que souvent quand je suis interrogé sur une chose précise, les violences policières, ben, on arrive finalement, moi et d'autres, sur le constat que c'est bien triste, oui, il y a des violences policières. Ce que moi je voudrais arriver à montrer, c'est qu'il y a un phénomène global en train de se produire qui est à la fois vrai dans le domaine de la haute finance, à la fois vrai pour les victimes de violences policières, à la fois vrai pour les gens qu'on accuse de terrorisme, enfin c'est vrai pour les syndicats qui se retrouvent confrontés à une omniprésence de l'exécutif. C'est vrai pour tout le monde, sous des angles différents, mais c'est un même phénomène. Et si j'essaye de montrer ça, c'est justement aussi pour qu'on le comprenne, et pas qu'on commence tous à mener la même lutte, ça ce serait impossible, mais pour qu'on articule nos luttes de manière à être conscient que on participe tous, en partie en tout cas, de quelque chose de commun. C'était pas très clair, d'accord. Non, si, ça l'est, mais on parlait aussi, tu parlais dans ta conférence de liberté d'expression, en fait. Ouais, ce qu'il en reste, quoi. Donc, ça, c'est aussi une des grandes... Mon prof de philo, il y a longtemps, disait « Si on se trouve à vous parler de liberté, c'est qu'on veut vous la prendre. » Et là, en l'occurrence, ils le font très bien, puisqu'ils nous brandissent liberté d'expression dans chacune des lois les plus anti-liberté qu'on puisse trouver. Et en l'occurrence, là, j'ai parlé de la loi sur l'incitation indirecte au terrorisme. Donc, c'est un gadget, à la limite, dont ils n'auraient pas eu besoin pour poursuivre un vrai, je mets vrai entre guillemets, terroriste, et je mets aussi terroriste entre guillemets. C'est un gadget qui leur permet de poursuivre de manière encore plus large les fois où une personne risquerait d'échapper au champ de législation déjà très répressive qu'ils ont. Donc, il ne s'agit plus de poursuivre une personne pour ce qu'elle a dit, ça, ce serait de l'incitation directe au terrorisme, mais pour ce qu'elle a voulu dire. Et donc, qu'elle n'a pas dit, en fait, parce qu'elle avait justement peur, sans doute, de tout cet arsenal répressif. Mais c'est dingue, ça. Oui, ça, c'est dingue. Et donc, les critères, quand on regarde les travaux parlementaires, sont des critères hallucinants. Donc, je vais prendre les quatre critères qu'il y a. Le premier critère, il nous parle du contexte. Ils nous disent c'est plus grave dans un, ou c'est plus probablement du terrorisme dans un contexte de crise. Et là, je répondrai, mais voilà, moi, je me rappelle même plus de l'époque où on n'était pas en crise. Donc, en gros, c'est tout le temps. On nous dit le contenu du message. Alors, pour être très précis, ils nous disent une incitation à la haine risque plus d'être du terrorisme que le contraire. Mais un juriste comprend ça à contrario. Il n'y a pas besoin que ce soit de l'incitation à la haine pour constituer du terrorisme. Donc là-dessus, pas non plus de garde-fou. Alors, les deux autres critères qui restent, c'est qui est l'auteur du message et qui sont ceux qui reçoivent le message en question. Et on nous dit qu'il faut faire particulièrement attention selon ceux qui reçoivent le message. Par exemple, une foule radicalisée, on doit lui parler différemment, et il y a des gens qui sont venus en train de vous écouter paisiblement. Donc en gros, tu peux parler de la Palestine à des Kurdes et du Kurdistan à des Palestiniens, mais si les gens ont l'air d'être trop intéressés par ce que tu dis, là tu dois baisser d'un ton ou changer ton discours. Et alors, je vous avais gardé le dernier critère pour la fin, parce que c'est le plus débile, c'est le critère de celui qui s'exprime. Celui qui s'exprime, le juge devra avoir égard à son charisme pour savoir si c'est un terroriste ou non. Vous imaginez qu'on se retrouve donc dans une situation vraiment où on examine la personne, mais où en plus, ce juge va devoir estimer à quel point la personne avait du charisme. Je ne sais pas si c'est maintenant devant le juge ou au moment où elle s'exprimait à ce moment-là pour parler. Alors, comment on fait aussi si on est en train de s'exprimer devant la télé? Comment on peut savoir si dans les gens qui sont devant la télé, il y en a un qui serait radicalisé ou pas? Quand on s'exprime dans le cadre d'une conférence, comme je viens de le faire, est-ce que je dois vérifier, demander leur carte d'identité aux gens dans la salle pour savoir s'il n'y en a pas? Et encore, même leur carte d'identité ne m'apprendrait rien. Est-ce que je dois me renseigner sur les opinions politiques de toutes les personnes auxquelles je parle avant de pouvoir m'exprimer? Et surtout, est-ce que je dois fermer ma gueule dès que je vois que les gens, ça a l'air d'importer pour eux et ça a l'air d'être véhicule d'une certaine colère? Et donc là, j'en viens à une idée que je trouve très importante, c'est de dire à tous que la justice, c'est un mode de destruction de votre colère. Ça sert à ça, en premier lieu, à mon sens. Ça a d'autres utilités aussi, comme la gestion du corps social, mais une des grandes utilités, c'est la destruction de la colère des gens, les priver de leur colère. Donc d'abord, vous portez plainte, et ensuite, je dis porter plainte dans une situation de violence policière où vous êtes victime d'un procès quelconque, et bien souvent, déjà, vous allez être dépossédé de votre colère. Pourquoi ? Parce que ce sera entre les mains de la justice. On ne pourra plus en parler, parce que la justice est en train de le traiter. Puis ensuite, il va y avoir l'effet du temps. On va avoir une justice qui va mettre 3, 4 ans avant de pouvoir vous dire quoi que ce soit à propos de votre propre procès. Et donc, effectivement, dans ces conditions-là, pendant toute cette période, vous n'en avez plus parlé. Du coup, les solidarités sont désagrégées. Vous-même, vous êtes peut-être plus sur ce même combat depuis longtemps, et ainsi de suite. Et donc, évidemment, c'est une autre façon aussi de tuer votre colère. La réponse à ça, ça doit être de ne jamais se laisser déposséder de l'action politique par le fait qu'on mènerait éventuellement ou qu'on serait victime d'une action en justice. La justice, c'est un pan du combat, ça peut éventuellement être quelque chose qu'on confie en partie à l'avocat, mais on ne doit jamais s'en laisser déposséder. C'est très important de rester le premier acteur des procédures qu'on met en œuvre et de ne surtout pas considérer que ces procédures doivent retarder ou empêcher la communication et l'indignation à propos de quelque chose qui s'est passé. L'exemple étant les violences policières. Je pense que si on croit que parce qu'on a porté plainte à la police ou même devant le juge d'instruction, on s'est libéré du devoir social de critiquer ce qui se passe dans le cadre des violences policières, je pense qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Et je préfère à la limite une personne qui va faire de la militance au quotidien pour dénoncer les violences policières que quelqu'un qui va se contenter de porter plainte. Parce que la plainte, ça peut être un pan de la lutte, mais si on se laisse déposséder de la chose, on se dit par exemple c'est entre les mains de l'avocat donc j'ai plus à m'en préoccuper, ce n'est plus mon problème, ou c'est entre les mains de la justice, et bien avec toutes ces réflexions là on laisse la justice faire cette œuvre de destruction de la colère des gens, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit empêcher à tout prix. C'est génial, Olivier, que tu parles comme ça, avocat toi-même. tu travailles. C'est justement le résultat de ce que j'ai vu et de ce à quoi j'ai été confronté au fur et à mesure que j'exerçais ce métier. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un certain nombre de principes qui ont de la valeur dans certains cas et puis qu'on floue dans d'autres et ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai pu constater que c'était quand les militants se mobilisaient pour leur propre cause que réellement on obtenait des résultats et que les choses étaient efficaces. Et donc, je pense typiquement, le premier procès antiterroriste en Belgique, ça a été le DHKPC. On visait entre autres un certain Bahar, Kim Jong-un. Je suis 100% convaincu que s'il n'y avait pas eu la réaction collective très forte autour de Barre, ces avocats qui ont été tout à fait brillants dans le procès n'auraient pas pu s'en sortir de la même façon parce qu'ils n'auraient pas eu Ce soutien populaire qui, à mon avis, a été déterminant. Ce cas-là est un exemple parmi d'autres. Je pourrais montrer des statistiques, raconter des milliers d'anecdotes. En tout cas, vous pouvez toujours avoir cette certitude que c'est quand vous vous investissez dans ce que vous avez... Quand vous investissez dans votre propre combat, vous obtenez toujours des résultats. Ce n'est pas toujours des résultats ultra visibles. Parfois, c'est une peine un peu moins lourde alors qu'on voulait l'acquittement. Parfois, c'est un policier qui a la suspension du prononcé alors qu'on espérait qu'il ait une peine plus sévère. Mais en tout cas, on obtient toujours plus de résultats en s'étant mobilisé. Et c'est là que la vraie différence se fait souvent quand on se retrouve dans des procès qui ont une quelconque dimension politique. Et par exemple, je me fais arrêter parce que j'ai été milité. Parce que c'est ça que tu racontes aussi, si je comprends bien, attention, parce que je comprends pas toujours bien non plus. C'est comme si on donnait plus de pouvoir à cette espèce d'appareil, cette grosse machine qui est la justice, la police, etc. On donne plus de pouvoir pour pouvoir vite t'arrêter comme ça, sans trop se poser de questions. Tu es perturbant, tu manifestes, ou tu... hop, on te prend et on peut t'enfermer comme ça sans raison, sans justifier la chose, quoi. Ouais, là, c'est quand même un peu plus compliqué. Déjà, ce que je souligne, c'est que le parquet a un rôle de plus en plus fort, c'est-à-dire la branche exécutive liée au gouvernement et qui exerce l'action publique. Et peut-être les juges, d'une certaine façon, ont moins de force... qu'avant dans tout ça. En élargissant les infractions, en fait, on a créé maintenant une situation, effectivement, où les lignes rouges qui auparavant pouvaient être claires, maintenant, on ne les connaît plus. L'incitation indirecte au terrorisme, j'ai pas la moindre idée de quand est-ce que je suis en train de la commettre ou pas. Et ça, c'est un problème fondamental, c'est que la ligne rouge n'existe plus. Du coup, il est fort probable qu'on puisse considérer qu'on a en fait tous passé cette ligne rouge. Et là, ça ne devient plus qu'une question d'opportunité des poursuites. Le ministre de la Justice et son parquet vont se retrouver dans une situation où concrètement un procureur va se trouver en situation de se dire celui-là je le poursuis, celui-là je le poursuis pas. Tout le monde est dans l'illégalité et du coup tout le monde peut virtuellement être poursuivi. Évidemment, on ne poursuit pas tout le monde, mais donc l'opportunité de poursuivre l'un plutôt qu'un autre devient une question de choix politique en fonction des priorités du gouvernement et en fonction des priorités du parquet. Et donc reprends mon exemple, si je manifeste et que j'ennuie mon monde, parce que c'est ce qui s'était passé pour la COP21, là en France, voilà. Surtout, enfin, moi j'étais plus au courant de ce qui se passait en France, je veux dire les gens montraient qu'ils n'avaient pas envie, il y avait des manifs qui étaient prévus depuis longtemps et tout, et donc on met à résidence, comme on dit, des manifestants. Ça n'existe pas en Belgique, hein. Ils aimeraient bien le mettre en place, mais ça n'existe pas comme tel en Belgique. Alors... qu'est-ce qui existe si tu vas manifester, c'est là qu'est la subtilité, la perversité du système. Si tu vas manifester, que tu es manifestante occasionnelle, probablement que tout ce que tu te taperas, c'est une sanction administrative communale. Et c'est la bonne façon pour eux d'agir, parce qu'à l'époque où ils tabassaient les manifestants par dizaines, en faisant des grandes charges dans les manifs, ils créaient des militants, on va dire, parce que toutes les personnes qui s'étaient fait tabasser avaient envie de réagir. Là, on parle en Belgique. Donc, tu as justement donc un appareil répressif qui tente d'épouser la contestation pour être capable de sentir exactement quel niveau est nécessaire pour te faire arrêter de lutter. Donc je disais, au niveau du terrain, si tu viens à une manif qui en gros fait pas chier grand monde, qui est juste une nuisance pour les pouvoirs publics, tu vas te retrouver à te prendre une sanction administrative communale parce qu'ils se plaindront du fait que la manif n'a pas été autorisée ou des trucs du genre. Ça, c'est une première situation, c'est une première hypothèse. Imaginons maintenant que tu sois en confrontation régulière avec les policiers et qu'ils veuillent se venger de toi, tu as toutes les chances d'être tabassé à l'occasion de l'une ou l'autre de tes arrestations. Par la suite, ou indépendamment de ça, il est fort possible que soit pour se couvrir suite au fait qu'ils t'aient tabassé, soit parce qu'ils en ont marre de voir ta gueule à trop de manifs et qu'ils en ont conçu une certaine antipathie pour toi, tu puisses te retrouver à être accusé de rébellion, c'est-à-dire d'avoir exercé une force contre la police. Là tu vas te retrouver déjà devant les tribunaux et ça va sérieusement te dégoûter. Là tu vas te retrouver dans cette situation que j'évoquais un peu plus tôt où en fait tu vas manquer de preuves parce que d'un côté tu auras toute une série de témoignages qui iront dans un certain sens et toi avec tes modestes moyens de manifestant tu seras bien en peine d'arriver à contredire la version de la police. C'est là que c'est essentiel justement d'avoir la possibilité pour les citoyens de filmer la police et c'est l'importance particulière de cette action de Zine TV et d'Attaque Bruxelles 2. Bref, donc ça c'est l'hypothèse où tu les fais chier chier en manif les policiers, on va dire, de terrain. Maintenant, imaginons que tu les fasses chier sur un plan politique plus élevé. Imaginons, par exemple, que tu les embêtes dans leurs relations internationales avec la Turquie. Ben là, tu vas te prendre des accusations de terrorisme. C'est l'affaire du DHKPC, c'est les Kurdes qu'on persécute à l'heure actuelle pour faire plaisir à la Turquie, c'est toute une série d'autres situations où on voit qu'ils utilisent un arsenal très répressif pour effrayer des gens. C'est un cas très ancien et qui a finalement peut-être juste une valeur exemplative, mais il y avait un certain Abu Jaja là, qui avait organisé à un moment des groupes de citoyens qui devaient patrouiller les quartiers pour surveiller s'il y avait des violences policières ou non. À Anvers, ça. Oui, c'est un gars assez controversé et tout ça. Moi, je le connais pas et donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'il en est du dossier dans son ensemble. Mais la réaction politique, elle m'interpelle très fort parce qu'ils ont aussitôt parlé de changer la législation, de durcir une législation sur les milices pour pouvoir s'attaquer aux personnes qui tenteraient de surveiller l'existence des violences policières et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, je pense que là, il y a quelque chose de voilà, c'est un exemple qui est relevant, quoi, qui nous permet de comprendre à quoi on est confronté. Et donc c'est ça, c'est tout cet arsenal répressif qui va de A à Z, quoi, qui commence par le militant qui serait un petit peu, qui viendrait à sa première manif, jusqu'au type qui les emmerde vraiment à un haut niveau. Et là, on a tout un arsenal répressif qui va pouvoir s'exercer contre lui. Et comme je disais, on a aussi l'inverse, on a toute une série de personnes qu'au contraire, on fera échapper aux procédures pénales, alors que pourtant, elles ont violer la loi, et là on utilisera par exemple la transaction pénale pour lui permettre à ces riches ou à ces grandes sociétés d'acheter leur procès et de ne pas avoir à assumer leurs responsabilités publiquement. Ça fait longtemps déjà que c'est en cours, hein. Cet arsenal-là. Oui, non, mais ce serait faux de nouveau chaque fois de dire « Ok, ça existait déjà, mais toujours sous des formes moindres. » Et c'est en train d'exister de manière de plus en plus grossière, ouverte, et les principes sont de plus en plus foulés aux pieds. Avant, il y avait de temps en temps une violation des règles, et j'ai envie de dire maintenant, les règles ou les principes primordiaux sont en train d'être mis à mal de façon quasi systématique. Et donc, effectivement, on pourrait dire il y a quelque chose de constant dans le phénomène, mais il y a aussi quelque chose de nouveau dans l'espèce de vulgarité, de brutalité, de mépris avec lequel on traite actuellement la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression et d'autres principes qui avant étaient des principes fondamentaux qu'on attaquait qu'à la marge et qu'aujourd'hui on attaque dans leur cœur même. D'accord. Olivier, on arrive à la fin. Je te laisse du temps pour aborder encore ces sujets-là sur ce que tu as envie, parce que moi je ne connais pas tout à ce bazar, il y a peut-être un truc auquel tu tiens que tu as envie de dire, quoi, absolument, que les gens sachent. Pas facile, parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler en même temps. Ici, bon, ben, ce que je pense, c'est que ce n'est pas anodin de se souvenir que de temps en temps, c'est pas mal de porter l'offensive sur voilà, ces milieux du pouvoir aussi, en n'étant pas toujours dans le défensif et dans l'anti-répression, mais aussi parfois en soulignant que leur comportement à eux ne respecte pas les règles qu'ils se sont données à eux-mêmes pour montrer justement... C'est eux, oui. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Non, super, là. Les « eux », pour moi, ça va être le gouvernement en combinaison avec certains milieux dans lesquels les gens du gouvernement vont se recycler quand ils n'ont plus de poste au gouvernement, on va dire, pour être simple. Et donc, disons en tout cas les gens qui ont du pouvoir contre ceux qui n'en ont pas, les gens qui ont du pouvoir souvent vont se trouver dans une situation où on ne les attaquera jamais avec les règles de droit. Et bien parfois, c'est pertinent de le faire. Parfois, on aura peu de chances de gagner, mais c'est souvent nécessaire de le faire pour justement montrer avec quelle différence la règle s'applique quand elle s'applique justement à ces puissants en question. Alors après, à quoi je tiens en ce moment? En ce moment, je pense qu'une des applications les plus odieuses et monstrueuses des lois antiterroristes, c'est l'application qu'en est faite aux Kurdes pour faire plaisir aux amis turcs. Et que là, actuellement, on va très très loin justement dans ce type de répression-là. Et donc ceux que ça intéresse et ceux qui veulent toucher un endroit où, à mon avis, tout sens de la démocratie disparaît, ils doivent s'intéresser à ce que le parquet fédéral fait à l'heure actuelle et aux procédures en justice qui sont faites contre les Kurdes. Quand on voit ce qui se passe en Turquie, on est scandalisé. On voit d'ailleurs des réactions européennes indignées. Et puis on regarde la manière dont ils répriment ici en Belgique et on s'aperçoit finalement qu'on n'en est pas très loin et que finalement l'indignation de façade qu'ils exprimaient quand ils parlaient de comment ça se passait en Turquie, eh ben, elle n'est plus du tout au rendez-vous quand on voit comment ils s'en prennent à tous les Kurdes qui ont la volonté de maintenir une certaine solidarité avec ce qui se passe là-bas ou avec les droits fondamentaux des Kurdes ici en Belgique. Et donc ça, je pense que c'est pour moi un exemple très marquant, très touchant de où on en est dans le système répressif et à quel point on est prêt à aller, enfin à quel point certains et entre autres le parquet fédéral sont prêts à aller loin dans la volonté de réprimer ceux qui déplaisent aux amis politiques de la Belgique. Et dernière petite question, c'est quoi tes motivations comme ça? T'as l'air bien emballé par tout ça, hein. C'est quoi t'as l'air de bien connaître aussi ton sujet. C'est quoi ta motivation, quoi, le début du début. Qu'est-ce qui fait que c'est un dossier dans lequel t'as envie vraiment d'y aller à fond? En tout cas, ça donne l'impression de ça. Ben, je vais pas te raconter mon parcours, mais disons que j'ai, au fur et à mesure que j'ai commencé à m'impliquer dans des actions militantes, j'ai rencontré des gens qui m'ont enthousiasmé et que j'ai appris à apprécier. Et puis je me suis aperçu que ces gens-là étaient réprimés, donc je me suis demandé comment on pouvait réagir à ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que ce qui fait une bonne compréhension de la répression, c'est sans doute un contact avec le terrain et la pratique. Et ce qui fait, moi, par exemple, personnellement, une indignation forte ou une volonté de réagir avec poigne à tout ça, c'est simplement le fait que je sois directement en contact avec ça et que du coup je connaisse les personnes qu'on réprime, que j'ai une idée concrète de comment ça se passe. Et dès le moment où on commence à vouloir prendre soin de gens autour de soi et qu'il s'agit plus seulement de... Enfin bon, les principes, je viens de dire avant qu'ils étaient importants, donc je ne peux pas revenir là-dessus, mais les principes tout seuls, on ne les sent pas vivre tant qu'on n'est pas en contact avec les personnes qui veulent tenter de les appliquer et qui veulent tenter de les faire survivre. Je pense que tout part de ça aussi, d'une expérience personnelle où on est en contact avec tout ça. Et donc, voilà, rejoindre un comité de soutien aux Kurdes, un comité de soutien aux victimes de violences policières et tout ça, c'est aussi l'opportunité d'être en contact avec ce que tout ceci implique, ce que tous ces principes ou la violation de ces principes implique concrètement. Et ça, c'est très important parce que, justement, alors à ce moment-là, on peut se retrouver dans une lutte qu'on sent vivre et pas seulement dans une lutte qui reste cantonnée dans le champ théorique.